Section 8. Des Illuminations par Arthur Rimbaud. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Royauté. Un beau matin, chez un peuple fort doux, un homme et une femme superbes criaient sur la place publique. « Mes amis, je veux qu'elle soit reine. Je veux être reine. » Elle riait et tremblait. Il parlait aux amis de révélation, d'épreuves terminées. Ils se pâmaient l'un contre l'autre. En effet, ils furent rois toute une matinée, où les tentures carminées se relevèrent sur les maisons, et tout l'après-midi, où ils s'avancèrent du côté des jardins de palmes. Fin de la section 8. Cet enregistrement fait partie du domaine public.